Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, premier volet de notre série sur les faits divers du début du XXe siècle. Une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître et qui nous emmène aujourd'hui au cœur de l'été 1926 pour l'affaire dite de l'étrangleur Guyot. À l'époque, ce fait divers fait la une de la presse. Certains journalistes le comparent à Landru, du nom de ce criminel en série devenu célèbre pour avoir tué 11 femmes entre 1915 et 1919. Guyot était-il lui aussi un tueur en série? En tout cas, 3 femmes périrent à ses côtés, 3 compagnes. Aujourd'hui, on qualifierait ce crime de féminicide. À l'époque, son avocat préféra les termes d'accident, de coup de folie. Cette histoire a également marqué les esprits pour le rôle particulier qu'a joué un médecin légiste dans cette affaire, le célèbre Dr Paul. Sans lui, et sans sa science, la fin de cette histoire aurait été probablement très différente. Pour illustrer cette émission, nous avons fait le choix de lire des extraits d'articles de l'époque ainsi que des déclarations de l'assassin Guyot publiées dans la presse. C'est le comédien Philippe Pierrard qui lui prête sa voix. Notre invité aujourd'hui, Dominique Khalifa, professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment du livre intitulé « L'encre et le sang, récit de crime et société à la belle époque ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 13 août 1926, la nuit tombe sur les plaines de la Marne. Messieurs Venin et Baron, gendarmes de profession, entament leur ronde à bicyclette. Et vers 22h, ils semblent entendre un cri haut, un cri bref, qui s'évanouit aussi vite qu'il est apparu. Mais enfin, les gendarmes inspectent tout de même les alentours. Mais rien. Juste le souffle du vent à travers les champs, la ronde se poursuit. De retour de Fresnes, localité entre Meaux et Claix, les deux gendarmes s'arrêtent de nouveau. À l'horizon, leurs regards sont attirés par une lueur vive qui s'élève vers le ciel. Ils s'approchent, une meule de blé est en feu. Alors que l'odeur et les flammes réveillent les uns et les autres, alentour, les gendarmes inspectent le brasier. Et là, étendu sur le sol, ils découvrent un corps sans vie. Il s'agit d'une femme, âgée de 20 ans à peine. Elle a les cheveux châtains foncés, coupés à la garçonne. Elle est vêtue d'une robe à pois marron, noircie par les flammes. Des bas de soie gris recouvrent ses jambes, à ses pieds, des souliers jaunes. Elle a les doigts très fins, les ongles coupés courts. À la main gauche, on voit une alliance sans initiale et une bague ornée d'un rubis synthétique et de pierres fines. La jeune fille ne semble pas d'ici. À l'aide d'un fagot tenu par l'un des paysans, les deux gendarmes éclairent ensuite le visage de l'inconnu. Son nez est tuméfié. De sa bouche coule un filet de sang. Enfin, autour du cou, les deux gendarmes observent des marques de strangulation. La jeune fille a été assassinée. Au sein de la foule paysanne, c'est la stupéfaction. Voyez-vous, en ce mois d'août, c'est le temps des moissons. Une meule en feu, c'est toute une récolte qui part en fumée. Alors au premier cri d'alerte, ils sont tous accourus pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais personne ne pensait découvrir, au milieu des champs, la scène d'un crime. Les heures passent. Les deux gendarmes restent là, près du corps, silencieux. À l'aube, le juge d'instruction, Monsieur Denry de la Chesnaye, arrive sur place. Il est accompagné du commissaire Bringer et d'inspecteurs venus de Versailles. Ce sont eux qui repèrent les traces de deux roues automobiles s'arrêtant pile à l'endroit où fume encore la meule de blé. Ce samedi 14 août, les inspecteurs entament l'enquête de façon classique, multiplient les interrogatoires autour de la prairie afin de trouver des indices sur l'identité de la victime. À l'heure du déjeuner, presque par hasard, ils interrogent Madame Lambeau, gérante d'un restaurant à Clissouilly. La veille au soir, elle a eu pour client un couple. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, était accompagné d'une jeune fille. Une jeune fille, dites-vous ? Oui, oui, oui, j'en suis sûr. Les inspecteurs présentent alors à la restauratrice les bijoux retrouvés sur le corps de la malheureuse. D'un hochement de tête, elle confirme qu'il s'agit de ce que portait l'inconnu la veille. Scrupuleusement, les inspecteurs notent tous les éléments. Le couple a débarqué sur les coups de 7 heures. L'homme était chic, très chic. Il roulait dans une Delage, Grenat, une voiture de luxe. Il portait un complet veston gris et un chapeau de paille. Et la jeune demoiselle, eh bien, elle était habillée d'un manteau écossais qui recouvrait sa robe. L'homme était taiseux, la femme, elle, était joyeuse. Elle a même dansé autour du photographe. À la sortie du restaurant, la Delage s'est arrêtée au garage du coin. L'homme a acheté 3 bidons d'essence, puis s'en est allé. C'est la dernière fois qu'on a vu le couple. Le dimanche 15 août, cette mystérieuse affaire fait les gros titres de la presse du pays. Le Petit Parisien. Un crime près de Clé-Souilly. Une femme gisait étranglée près d'une meule qui brûlait. On ne sait qui est la victime, on ne sait qui est l'assassin. L'homme a disparu avec la voiture, une Delage à carrosserie Grenat. Le matin, une jeune femme étranglée. Le meurtrier a tenté de brûler le cadavre. L'individu qui l'accompagna avait pris de l'essence dans un garage de Clé et s'était dit cultivateur. On le recherche. Le journal. Un crime qui est peut-être, au milieu d'une mise en scène à la Guy de Maupassant, le dénouement sanglant d'une affaire parisienne. Maintenant, ce n'est plus à Clé-Souilly qu'est la clé du mystère, c'est à Paris. On a relevé 2 initiales sur la chemise de la morte. 2 initiales marquées au coton rouge et qui sont sans doute celles d'une lingère. BG ou PC. L'intuition des reporters est la bonne, ou presque. Si c'est bien à Paris que l'enquête s'accélère, ce n'est pas grâce au chemisier mais à la voiture du principal suspect dont la presse a donné la description précise. Et c'est ainsi qu'un garagiste du 12e arrondissement de Paris contacte les autorités. L'homme pense reconnaître la voiture recherchée. Les inspecteurs se rendent sur place. Est-ce la Delage de l'assassin ? Alors il fouille et découvre une serviette de cuir marquée au nom de Malou. Ce même nom est inscrit sur une plaque où est également indiquée une adresse. 96 avenue du Général Bizot, située dans le même arrondissement. Il ne manque plus que le carton d'invitation. Évidemment, les inspecteurs s'y rendent immédiatement. Ils interrogent la concierge de l'immeuble. Malou, attendez, non, il n'y a aucun Malou ici, explique-t-elle. Les inspecteurs énumèrent les quelques indices autour de l'individu recherché. Chic, âgé d'une 40aine d'années, corpulence moyenne. L'homme roule à bord d'une Delage. Il est en couple avec une jeune femme, la 20aine. Bien, le concierge réfléchit, puis donne un nom finalement. Monsieur Guyot, oui, Monsieur Guyot, a emménagé en octobre avec sa jeune compagne, Marie-Louise Bollaguet. Et il ne les a pas vus depuis vendredi. Les inspecteurs retournent alors au garage afin de confirmer l'intuition du concierge. Et tout colle. Le couple, la voiture. Les inspecteurs fouillent de nouveau l'automobile. Ils trouvent des papiers référenciés Monsieur Guyot ainsi que des photos. Le concierge valide l'identité des 2 individus. La jeune femme retrouvée morte étranglée serait donc Marie-Louise Bollaguet. Pour en avoir le carnet, les inspecteurs décident de rejoindre Clé dans la nuit afin de demander à la restauratrice ainsi qu'au garagiste de confirmer l'identité du couple du vendredi 13 août. L'un et l'autre les reconnaissent sur les photos. Le lendemain, le lundi 16 août, à 16h, au 96 de l'avenue du Général Bizot, on fait ouvrir la chambre de Gaston Guyot. Personne. Dans l'appartement de 2 pièces, les inspecteurs repèrent les gants, le chapeau et le sac à main de la victime. Son compagnon les a-t-il rapportés ? Si oui, pourquoi ? Sur un carnet de visite au nom de Gaston Guyot, il découvre une autre adresse. 99 avenue du Général Bizot, soit à 3 numéros de l'immeuble dans lequel il perquisitionne. Avis multiple, appartement multiple. Les inspecteurs se rendent donc au 99 de l'avenue. Ils cherchent l'étage, montent, puis sonnent à l'appartement. Une femme de chambre ouvre. Monsieur Guyot, ah, il vient de partir. Le lendemain, la traque du dénommé Puyot, fait le bonheur des journaux. L'étrangleur de la dame aux yeux verts a failli être arrêté hier matin à Paris. L'assassin est un millionnaire, veuf et père d'une jeune fille de 17 ans. Sa victime, depuis 3 ans son amie, était téléphoniste aux centrales Roquette. Dès l'annonce de la découverte du corps de cette jeune femme, de nombreux journalistes se mettent à rôder dans les pas des inspecteurs. Jour après jour, à leurs lecteurs, ils racontent l'avancée de l'enquête, remontent le fil des événements, fouillent dans le passé de l'individu afin de comprendre ce qui a pu se passer durant cette nuit du vendredi 13 août 1926. Ils font leur métier de fait-diversier. Dans les premiers papiers, on prête à M. Guyot le métier de voyageur de commerce. En réalité, il gère des fermages et s'occupe de bourses de commerce. Selon le petit journal, il est membre du syndicat général dans la catégorie marchand de grains, meunier, agriculture. Ses affaires tournent bien, monsieur est fortuné. Guyot est né en 1883 en Seine-et-Marne, à Louan, un village à 100 km à l'est de Paris. Son père, Eugène, en est le maire depuis plus de 30 ans. Que dit-on du fils Guyot ? Bien, que c'est un homme bon qui a eu beaucoup de malheurs, vous savez, déjà veuf à 2 reprises. Après le décès de sa seconde femme, il retourne vivre à Louan. Et c'est durant cette période qu'il aurait fait la connaissance de Marie-Louise Belinguet, employée au bureau de poste de la ville de Provins. Ils se sont plu, ils se sont aimés, ils ont vécu ensemble. À Louan, M. Guyot fils vient presque chaque week-end visiter ses parents. Il prend le train de Paris jusqu'à Provins, puis il rejoint Louan à bord d'une voiture qu'il laisse dans un garage. Samedi dernier, au lendemain du crime, l'a-t-on aperçu ? Eh bien, oui. M. Guyot a même joué au poker chez des amis. Le soir, il a dîné chez sa belle-sœur. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il était à la table de ses parents. Qu'a-t-il fait ensuite ? Personne ne le sait. Et la voiture n'est pas réapparue. Dans le même temps, à Paris, l'enquête se poursuit. Dans les confessions des proches de l'assassin présumé, un prénom revient sans cesse. Celui de Madeleine, la fille de Gaston. Elle a 17 ans, Madeleine, elle vit au 99 de l'avenue du Général Bizot. Personne ne croit que le père puisse l'abandonner, à juste titre, puisque le lundi soir, lors d'une visite impromptue au sein de l'appartement familial, la jeune fille indique aux inspecteurs avoir reçu une lettre de son père. Gaston Guyot réfute toutes les accusations et promet à sa fille de prouver son innocence. Il conclut cette missive par ces mots. Ne désespère pas. Tu n'es pas seul sur terre. Ne prends pas mon deuil, mais attends patiemment, en compagnie de ton grand-père, mon innocence sera démontrée. Ce n'est pas la seule lettre envoyée par Gaston Guyot. Le même jour, la concierge du 96 reçoit un pneumatique de son locataire. Une nouvelle fois, il clame son innocence. Pourquoi aurais-je commis ce crime ? Elle était bien parfois méchante, mais j'avais tout de même eu du bonheur avec elle. La vérité, je vais vous la dire. Après avoir quitté Clay, où elle m'avait traîné dans tous les restaurants, ne trouvant jamais le menu assez copieux, elle voulut aller coucher à Meaux. Et comme je refusais, elle m'a fait une scène terrible. Très en colère, elle m'a dit « Puisque c'est cela, conduis-moi à la gare. J'irai à Meaux par le train. » C'est ce que j'ai fait. À sa descente du train, elle a dû être entraînée par un individu qui, pour la prendre de force, a commis ce crime épouvantable. Mais enfin, toutes ces lettres laissent les inspecteurs perplexes. Hein, que vaut l'innocence d'un fuyard ? Surtout que les propos épistolaires de M. Guyot trouvent de l'écho dans une autre lettre, parvenue celle-là au commissaire de Meaux, signée de la main d'un soi-disant chauffeur de taxi. Monsieur le commissaire, je vois dans les journaux que vous accusez un innocent d'un crime. Ce n'est pas le conducteur de l'auto qui a étranglé la jeune femme, c'est moi, un chauffeur de taxi. L'homme explique avoir proposé de raccompagner la jeune femme qui s'était disputée avec son compagnon. Et puis, il y a eu le drame. J'étais très impressionné par cette jeune et très jolie femme. J'avais bu. Je m'arrêtais. Elle cria. Je lui portais un coup de poing au visage. Elle tomba. Puis, Je la serrai à la gorge et après avoir passé mon caprice, je me relevai. Et il conclut. Je vous salue, un chauffeur de taxi. Étrange. Surtout que les enquêteurs se rendent compte que la lettre envoyée à Madeleine Guyot et celle de ce chauffeur de taxi sont écrites sur un même papier, quadrillé de noir, cacheté dans une enveloppe blanche similaire. Le chauffeur de taxi serait donc un stupide prête-nom imaginé par l'assassin pour se dédouaner. Monsieur Guyot se s'est-il perdu, recherché par toutes les polices de France? Oui, il se s'est perdu. Alors, à quoi peut-il penser? À fuir? Non, trop tard, il fallait quitter le pays dès le crime. À chaque poste de frontière, on a désormais son portrait. Se rendre alors? Il hésite, sans doute. Le 19 août 1926, soit 6 jours après la funeste nuit, Eugène Guyot, père du suspect, demande un entretien avec les autorités. L'homme est âgé, fatigué, mais sa pensée est claire. Pour lui, son fils est innocent. Bon, mais il ne peut le prouver. Alors disons, intime conviction, peut-être amour d'un père, tout simplement, appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il qu'en ce 19 août, Monsieur Guyot, père, franchit le pas. Il déclare aux inspecteurs que son fils séjourne dans un hôtel de Montparnasse et que place d'Enfer Rochereau, ils le trouveront. Ce soir-là, effectivement, Gaston Guyot est là, au pied du Lion de Belfort. Par-dessus en gabardine, chapeau mou, complet marron. Son père s'approche, ils s'embrassent, échangent quelques mots. Les inspecteurs débarquent, la cavale de l'étrangleur de clé peut enfin. Il y a des fleurs de vase et de boue, elles sont nourries au fond de la Seine. Il y a des cœurs qui souffrirent trop pour vivre la vie. Et puis des cailloux et des bêtes grises, l'âme des égouts soufflant des poisons, les anneaux jetés par des incomprises, des pieds qu'une hélice a coupés du tronc. Les ventres stériles, les blancs avortés que nul aima, les vomissements de la grande ville. Au fond de la Seine, il y a cela. Aux Seine clémente, où vont les cadavres, au lit dont les draps sont faits de limon. Fleuve des déchets, sans fanale ni havre, chanteuse berçant la morgue et les ponts. Accueille le pauvre, accueille la femme, accueille l'ivrogne, accueille le fou, mêle leurs sanglots au bruit de tes lames et porte. Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Palais de justice de Meaux, 20 août 1926, 14h30. Gaston Guyot, assassin présumé de sa compagne dénommée Marie-Louise Blaguet, jeune femme de 20 ans, sa cadette, est présenté au juge d'instruction pour la première fois. Le magistrat l'interroge sur sa vie, bien sûr, son métier, ses rencontres, son amour avec Marie-Louise, évidemment. L'homme répond timidement. Il dépeint une rencontre heureuse, mais des mois difficiles. La jeune femme aurait, selon ses dires, un caractère acariâtre. Bien. Mais enfin, que s'est-il passé le 13 août? Dans les souvenirs de Monsieur Guyot, la soirée s'annonçait bien. Tout se passa très bien. Malou semblait être redevenue de très bonne humeur. Elle dansa même au son d'un phonographe avec la fille de la propriétaire et nous quittâmes le restaurant tout à fait d'accord. Elle me demande de l'emmener le lendemain en voiture au Havre. Je lui fis comprendre que c'était impossible. Une dispute s'ensuivit qui dura jusqu'à Meaux. À proximité de la gare, elle me fit stopper la voiture. Elle me gifla. Je la pris par le bras et la fit remonter en voiture. Peu à peu, sa voix s'entrecoupe de silence et de sanglots. Alors difficilement, comme s'il revivait cette nuit, il poursuit. En cours de route, la discussion reprit de plus belle. Énervé, je lui assénai un coup de poing en pleine figure. Elle riposta violemment, me griffa et faillit provoquer une embardée de l'auto. Je perdis la tête. D'une main, j'arrêtai la voiture et de l'autre, la droite, je la serrai à la gorge. Cela dura 5 ou 6 secondes au plus. Sa tête chancela à l'arrière. Je saisis son pouls. Il ne battait plus. Je l'avais tué. Le magistrat l'interroge ensuite sur l'incendie. L'homme nie avoir voulu brûler la jeune femme. Il l'a déposée, a fumé une cigarette, puis a pris la fuite. Le lendemain, la confession de M. Guyot est connue de tous. De l'Excelsior au matin, de l'Écho d'Alger à l'Action française, les aveux de l'étrangleur font la une de toute la presse. Si les journalistes décrivent avec précision les déclarations du prévenu, ils ne disent et ne savent rien des interrogations du magistrat. Certes, Gaston Guyot a avoué, mais dit-il toute la vérité? Hier, il se disait innocent, désormais il parle d'un accident, d'une crise, d'une dispute qui tourne mal. Mais quel est le mobile? Y avait-il préméditation? Le 24 août, le juge d'instruction ordonne une seconde autopsie sur le corps de Marie-Louise Blaguet. Elle est dirigée par le plus célèbre médecin légiste de l'époque, le docteur Paul. En 1926, les légistes sont déjà des enquêteurs que la justice écoute avec attention. Sur ces corps abandonnés qu'on leur apporte, ces médecins traquent ecchymoses, brûlures et fractures, sons d'organes, viscères et sang, imaginent bagarres, étranglements, empoisonnements. À partir de ces indices, ils établissent ce qui est possible et impossible lors du crime. Au sujet de notre affaire, le docteur Paul pointe un élément important. La jeune femme, maîtrisée et ayant perdu connaissance, fut saisi au cou des deux mains par Guyot. Il serra violemment, au point d'incruster ses ongles dans la chair et appuyant sur le larynx qui éclata sous une pression longue et puissante. Guyot aurait donc menti. Durant la reconstitution et les interrogatoires, il n'a pas varié ses propos. Il a étranglé sa victime d'une main. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour notre histoire, ça veut dire beaucoup, on y reviendra. Malheur à lui, en tout cas au cours de l'instruction, un témoignage tardif semble confirmer l'intuition du légiste. En effet, Marcel Abran, marchand de fourrage de profession, pense avoir vu le couple la nuit du 13 août. Ce soir-là, il rentrait par le chemin vicinal de Fresnes. En passant avec sa charrette, il a aperçu une voiture, tout faisait teint, à côté d'une meule, ainsi que deux personnes debout, s'agitant. Monsieur Abran a pensé qu'il s'agissait d'ouvriers, il n'y fit pas attention. La mort de la malheureuse n'est pas la seule question qui intrigue le juge. Un autre élément du dossier le questionne, lui comme la presse d'ailleurs, les ex de M. Guyot. Les journalistes enquêtent durant des semaines. Son premier mariage date de 1908. La mariée s'appelait Augusta Recouvreur. Avec elle, il a eu un enfant, Madeleine. 10 ans d'amour s'en sont suivis et se terminent par le suicide de la dame. Au juge, le 18 octobre 1928, Gaston Guyot déclare. Augusta se leva. Mais engourdie par le sommeil, je ne sais ce qu'elle fit et je la vis seulement se remettre au lit. Un instant après, j'étais réveillé par une détonation. Ma femme, s'emparant de mon revolver qui était sur la table de nuit, s'était logé une balle dans la tête, au-dessus de l'oreille. Et surtout, Guyot rappelle qu'une enquête a conclu au suicide. La seconde femme de Gaston Guyot se nommait, elle, Charlotte. Charlotte Barbichon. Sa fin se noue lors du voyage de noces. Sa famille reçoit 2 télégrammes de Monsieur Guyot. Un premier, laconique. Charlotte grippée, retour retardé. 8 jours plus tard, le second annonce la terrible nouvelle. Charlotte décédée ce matin à 6h30. Une grippe infectieuse l'aurait emportée. C'est du moins ce que le veuf raconte à sa belle famille. Aux questions des inspecteurs et du juge, il répond toujours la même chose. « Je porte malheur aux femmes ». De ce point de vue, il semble bien qu'il dise vrai. Juillet 1927, cour d'assises de Seine-et-Marne. Moins d'un an après les faits, le procès de Gaston Guyot s'ouvre. La ville de Melun est sans dessus-dessous, les hôtels sont pleins, les restaurants débordent, la foule se masse contre la porte de la salle d'audience. Passants, curieux, journalistes, pensez donc. L'histoire d'un millionnaire qui met fin à la vie de sa jeune compagne, ça fait parler et puis ça fait vendre du papier. Parmi les protagonistes du procès, on reconnaît la mère de la défunte qui cache ses sanglots derrière son voile de deuil. Côté accusé, c'est l'avocat Maurice Garçon qui se charge de la défense de Gaston Guyot. Et l'accusé, comment va-t-il ? Eh bien, par rapport aux dernières photos, l'homme semble amaigri. Ses cheveux se sont grisés, ses vêtements ne sont plus si flamboyants. L'homme bon et généreux que ses amis avaient décrit lors de sa traque, joyeux aussi, s'est terni, fléchi, rassis. Il n'est plus rien qu'un accusé en attente de jugement. La première journée est un piètre spectacle. Guyot est interrogé sur sa vie, ses anciennes femmes, sa dernière, Marie-Louise, et sur cette nuit du 13 août. On lui rappelle les incohérences de ses aveux. L'homme persiste, pleurniche, puis charge la malheureuse absente. À plusieurs reprises, il parle de son mauvais caractère, de ses colères. Ce premier jour, on n'apprend rien de nouveau. À part que l'accusé est un triste sire, selon la formule de la chronique judiciaire du Petit Parisien. Le lendemain, l'affluence est encore plus forte. Toute une région semble s'être donné rendez-vous au palais de justice. À la barre, les témoins se succèdent. Plusieurs font sensation, mais un seul marque les esprits. Le docteur Paul. Le légiste affirme que, et je le cite, « sans aucun doute possible, la mort a été lente et que la version du geste impulsif et violent ne peut être admise scientifiquement. » Dans la foule, une question jaillit. Marie-Louise Balaguer a-t-elle été étranglée d'une seule main ? Le docteur répond « non, jamais ». L'audience est suspendue. Sur le banc, l'accusé sait que sa tête ne tient plus qu'à un fil. Lors des réquisitoires, l'avocat de la partie civile, maître Edmond Bloch, demande la peine capitale. Vous avez tué Marie-Louise debout au pied de la meule. Pourquoi ? C'est votre secret, soit. Vous l'avez tuée et vous vouliez la tuer. Cela me suffit à moi. Un verdict impitoyable, pas de circonstances atténuantes. Guyot est un monstre. Au fond de mon cœur d'homme, j'ai cherché quelques raisons de pitié en sa faveur. Je n'en ai trouvé aucune. Je le livre à la justice. Le représentant du ministère de la Justice s'aligne sur la partie civile. Pour lui, et je reprends ces mots, la terre s'était vengée. Toutes les précautions prises par Guyot, comme les propos qu'il a laissés échapper et que des témoins ont rapportés, prouvent sa préméditation. S'il a tué ce pacha, c'est qu'il voulait changer de favorite. Il a joué pour cela une partie, et bien il a perdu qu'il paie. La préméditation est établie. Guyot est à la fois meurtrier et incendiaire. Et il retient son souffle, puis d'un ton sec. L'avocat général déclare « C'est la peine capitale que je réclame pour Guyot ». Côté défense, la tâche est délicate, c'est moi qu'on puisse dire. Maître Maurice Garçon tente d'abord d'effacer les fantômes de la vie amoureuse de son client. Le malheur a emporté déjà deux épouses de Monsieur Guyot, un malheur qu'il nomme « suicide ». Le premier prend sa source dans la folie. Pour la seconde, c'est le tapis vert et le jeu qui serait, selon l'avocat, responsable de la disparition. Peut-être. Mais la troisième. Le défenseur de Guyot parle d'accident. Maurice Garçon n'évoque pas le crime passionnel, mais c'est tout comme. Une querelle qui s'aigrit, deux fureurs qui s'exaspèrent. Il la touche au cou, un revers de bras. Il la prend à la gorge comme ça, ou comme ça, peu importe. Il serre, elle meurt. Voilà le drame. Et quand la querelle aurait eu lieu auprès de la meule, est-ce que ça changerait quelque chose au fond de l'histoire ? Il conclut sa plaidoirie en demandant au juré de répondre non à la préméditation. Ce que vous avez à juger, c'est un accident. Les derniers mots sont pour l'accusé. Alors Guyot se lève, pleurniche et déclare « Je n'ai pas voulu tuer. Je demande pardon au juré. » À 17h20, ces derniers quittent la salle. Après 1h40 de délibération, lorsqu'ils reviennent dans le prétoire, un événement inattendu stoppe un temps le déroulement de l'énoncé. L'avocat de la défense demande la parole. Une témoin déclare avoir vu le 13 août une voiture de couleur grenat dans laquelle se trouvait un couple. La femme paraissait endormie et s'étonnait contre la portière. Divine coïncidence ou dernier coup d'une défense aux abois ? La justice refuse de l'entendre. Le dernier acte du procès se poursuit. À 18h45, le verdict est rendu. Guyot est condamné à mort. Pour sauver la tête de son client, Maître Garçon se pourvoit en cassation, puis saisit la Cour suprême. À chaque fois, la demande de révision est rejetée. La dernière chance du condamné se nomme Gaston Doumergue, président de la République. Le 21 janvier 1928, Maurice Garçon le rencontre et plaide pour la grâce de son client. Le président la lui accorde. Guyot est donc condamné au bagne à perpétuité, condamné à vivre. La dernière trace dans la presse de l'étrangleur Guyot se niche au mémorial de la Loire et de la Haute-Loire. Oh, quelques lignes succinctes. Guyot, étrangleur, a quitté les rives de la métropole pour Cayenne le 8 novembre 1929, à bord de la Martinière. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Guyot l'étrangleur. Notre invité, Dominique Khalifa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'Université Paris 1, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du fait divers, des bas-fonds, des crimes, de la police. Je peux citer votre thèse, hein. L'encre et le sang, récit de crimes et société à la belle époque, mais aussi la série documentaire coécrite avec Emmanuel Blanchard, intitulée Fait divers, l'histoire à la une, et nous nous sommes permis de prendre un extrait de cette série qu'on va diffuser tout à l'heure. Alors, l'idée de cet entretien, c'est pas de refaire l'histoire et de s'intéresser particulièrement à ce récit, bah, d'abord parce que c'est déjà fait, mais et surtout de partir de ce fait divers précis pour évoquer ce genre journalistique et littéraire qu'est le fait divers. Aujourd'hui, là, c'est Lettres de noblesse, on y reviendra. Quand est-il né dans la tradition de la presse française ? Ben, tout dépend de ce que l'on va entendre par là. Si c'est le fait divers, effectivement, comme rubrique journalistique telle qu'il s'est développée dans l'époque contemporaine, ben, il faut attendre le début des grands journaux, le début des journaux à grand tirage. Et c'est effectivement dans les années 1860-1870 qu'on le voit se développer. Mais en même temps, si vous voulez, le fait de raconter dans des occasionnels, dans des canards, dans des petites feuilles que l'école porteur racontait des crimes ou des accidents, il y en a de très longue date. Mais enfin, le fait divers tel que nous l'entendons... Professionnalisé, dans les colonnes des quotidiens, c'est quelque chose qui arrive par étapes, avec le grand développement, avec le développement de la grande presse au milieu du 19e. Là, on a souvent l'habitude de citer l'affaire Troppmann. Vous savez, c'est à la fin du Second Empire, en 1969, un jeune homme qui va tuer toute une famille de 8 personnes, les King, et le fait que les cadavres sont découverts petit à petit et mise en scène par les journaux, notamment le Petit Journal, dans une grande opération de suspense médiatique et narratif. On cite souvent cet exemple, mais le fait est que la fin du 19e siècle voit émerger, avec une explosion quantitative extraordinaire, les faits divers dans la presse. Et ces journalistes sont déjà des spécialistes, des faits diversiers? Alors, les faits diversiers, spécialistes, oui et non, si vous voulez. Bien sûr, spécialistes dans la mesure où, généralement, leur boulot se limite à couvrir les commissariats pour essayer, ou à ensuite, une fois qu'ils ont trouvé une belle affaire, ou ce qu'ils pensent être une belle affaire, à aller sur les lieux. Mais enfin, disons que c'est quand même le degré zéro du journalisme. C'est là où on débute, c'est là où les débuts... Et même à cette époque aussi, ce sont souvent des gens qui sont même pas des professionnels. On les appelle souvent, les rédactions, à la fin du 19e, des passants, c'est-à-dire... L'ancêtre du pigiste. Et eux, ils ont tout intérêt. Et là, on touche quelque chose qui est fondamental. Eux, ils ont tout intérêt à ce qu'une affaire devienne un petit peu substantielle, bah, à faire parler les voisins, à multiplier des... enquête personnelle, comme on dit à l'époque, ou des enquêtes latérales, bah pour gros, ils sont payés à la ligne, hein, pour grossir aussi leur paye à la fin de la semaine. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans les journaux, et plus on avance jusqu'aux années 20 de l'affaire Guyot, plus il y aura effectivement, dans les rédactions, des professionnels qui vont effectivement, au service de l'information générale, être responsables de la rubrique. Le cas de figure, le cas d'école, il est fictif, mais il est aussi vrai. C'est le Rouletabille de Gaston Leroux. Oui, et on est des Rouletabille. Mais avant Rouletabille, Leroux était lui-même journaliste au matin. Donc, il y a les deux, si vous voulez. Il y a à la fois cette piétaille de petits faits diversiers qui fouilleurs de poubelles, comme on dit, et puis il y a quelques-uns parmi eux qui arrivent effectivement à se hisser progressivement dans la hiérarchie et dans l'aristocratie du journalisme. Est-ce qu'il y a des journaux qui se spécialisent dans le fait divers et d'autres qui refusent de les évoquer? Des journaux un peu intello d'un côté et alors, d'autres oui plus et populaires. Non. Comme on gagne beaucoup d'argent et que le public lit ces journaux, lit ces articles, la plupart des feuilles vont faire du fait divers, y compris les feuilles sérieuses. Mais certains, effectivement, les refusent. Enfin, c'est assez amusant de voir qui les refuse. Ce sont les journaux qui, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ne veulent pas avoir de collusion avec la police. Parce que pour être un bon fait diversier ou pour faire du fait divers, il faut nécessairement avoir des bonnes relations avec les commissaires de police, avec la préfecture, etc. Or, certains ne veulent pas pour des raisons que vous comprenez très bien. Et puis, il y a quelques journaux, on va voir arriver vers les années 1900-1905, les premiers journaux spécialistes qui ne vont parler que du fait divers. Le premier, on le connaît bien, c'est le journal qui s'appelle L'œil de la police, avant 1908. Ah oui, et puis, bien sûr, le détective de Gallimard et Kessel un peu plus tard. Donc, on les voit se développer là, plutôt sur le modèle britannique et américain. Car cette histoire n'est pas seulement une histoire française, c'est une histoire dans le monde occidental. Là, en Angleterre ou aux États-Unis, on voit le même développement. Et puis, il y a un élément important, c'est l'invention de la photo, qui est récente. Et pour le fait divers, c'est important ou pas? Alors oui. Après que je dis que c'est important, ça ne l'est peut-être pas. Je vous pose la question. En fait, il y a très longtemps que la photo, qu'on pourrait mettre de la photo dans les journaux. La photo, elle est quand même inventée vers 1800, enfin, à la fin des années 1830. Sauf que pendant très longtemps, on préfère le dessin, on préfère la gravure, on préfère le trait. D'abord parce que effectivement, un graveur peut reconstituer soit le l'audience moment fatal et l'audience. Alors, aussi. En procès, c'est interdit. Hein, pendant très longtemps, on ne peut avoir que des dessinateurs. Donc, voilà, c'est ça. Donc on fait des croquis. En fait, la photo, qui techniquement était possible, c'est un peu culturellement qu'on la veut pas. Donc, elle n'arrive dans les journaux pour les faits divers qu'à votre époque, qu'à l'époque de l'abominable étrangleur Guyot, milieu des années 20, essentiellement avec Paris Soir, qui est un grand journal à l'époque, qui va se développer surtout un peu plus tard, et qui lui va vraiment, de façon massive, et c'est très révolutionnaire à l'époque, faire rentrer la photo dans les faits divers. Alors, je vais vous poser une question à laquelle vous allez me répondre, par oui ou par non, pas un mot de plus. Vous allez comprendre pourquoi on joue ce petit jeu. Évidemment, après, vous développerez. Est-ce que l'affaire de Jack l'Éventreur, que vous abordez dans votre série, a été un tournant? Oui. Eh bien, on va écouter un extrait de l'épisode de votre série. Mais je vous explique après. Ah bah évidemment, évidemment. Donc, l'histoire à la une sur Jack l'Éventreur. 9 novembre 1888. L'assassin frappe de nouveau. Aux 13 000 heures courtes, on découvre le cadavre de Mary Jane Kelly dans la petite chambre qu'elle louait. Elle est atrocement mutilée. C'est la première des victimes à avoir été assassinée entre quatre murs. L'éventreur a pu se laisser aller. C'est pour ça qu'il s'est déchaîné comme une bête. Le rapport d'autopsie du médecin légiste Thomas Bond est effrayant. Une liste interminable qui révèle l'atrocité des sévices infligés au corps de la victime. Mais le docteur Bond va plus loin. Il va commencer à faire ce que le FBI fait aujourd'hui, à commencer à donner des détails sociologiques, psychologiques, une sorte de portrait en trois dimensions de celui qui pense être le criminel. Ce qui est remarquable, c'est que cela fait de lui le tout premier profiler de l'histoire. Le rapport du légiste est effrayant, viens entendre. Affaire sensible a fait des petits. Hein. au-delà de cette plaisanterie. Donc c'était un tournant, Jack l'Éventreur. Oui, c'est un tournant, vraiment. Bon, d'abord parce que les crimes sont abominables, parce qu'on n'a jamais pu retrouver. Donc là, il y a un mystère, il y a une énigme, et vous savez combien ça a nourri, et ça continue d'ailleurs de nourrir les fantasmes ou les révélations, les scoops, etc. Mais ce qui nous importe surtout, quand on s'intéresse un peu en historien ou en anthropologue à l'affaire l'Éventreur, c'est que c'est vraiment le premier criminel en série, serial killer. Soyons clairs sur les mots. Des individus qui tuent beaucoup de personnes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Pour qu'il y ait serial killer au sens moderne que nous lui donnons, il faut qu'il y ait une convergence entre au moins trois aspects. Un homme qui va effectivement tuer des personnes de façon multiple et successive, des journaux qui vont être capables d'en rendre compte, et surtout avec un dialogue capable de s'instaurer entre le criminel et les journaux. Les journaux dont le criminel va se servir. L'éventreur écrit des lettres aux journaux. Oui. Et puis, troisième élément, et non des moindres, la médecine. Car s'il n'y a pas un aliéniste, comme on disait à l'époque, un psychiatre, s'il n'y a pas une expertise, on va dire, qui est capable en même temps de proposer des hypothèses sur le caractère, la psychologie, on n'aura pas l'affaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment le croisement de ces trois éléments, un meurtrier abominable qui va tuer les gens, un système médiatique qui va être capable de jouer avec, de rebondir, de participer d'une certaine manière à la série. Et puis l'expertise psychiatrique qui vient en quelque sorte chapeauter et compliquer le tout. Et ça, c'est, même s'il y a eu effectivement auparavant des tueurs en série, c'est vraiment avec l'affaire l'Éventreur que cette configuration-là, cette alchimie-là se met en place. On la trouve pas chez Guyot, par exemple, dans ce que vous dites sur l'affaire Guyot, qui est une très belle histoire. Il y a pas ce côté-là, parce que finalement, on saura jamais. Mais même chez Landru, on la voit pas exactement de la même manière, parce qu'il joue pas avec la presse et avec la médecine. Et Monsieur Paul, puisque vous parlez des légistes, alors lui, il peut-être que cette affaire Guyot est importante aussi, parce que le rôle du légiste, là, devient important également en France. Tout à fait. Alors, les experts. C'est pas nouveau d'une certaine manière. À partir du premier tiers du 19e siècle, quand il y a homicide, la loi, le code pénal, contraint effectivement le juge d'instruction à convoquer un médecin. Sauf qu'il a fallu du temps pour que ces choses-là se mettent en place, que la parole de l'expert soit reconnue comme légitime. Vous savez, les magistrats dans le prétoire, ils n'ont pas tellement envie de voir des gens qui ne sont pas du métier, enfin, j'entends par là qu'ils ne sont pas des magistrats, venir leur dire. Et puis, de surcroît, si vous voulez, il y a différents types d'experts. Il y a ceux dont le propos est très ferme, par exemple les toxicologues. Hein, ceux-là, ils ne se trompent pas. Le légiste non plus, ils ne se trompent pas. Puis il y a ceux, les aliénistes, hein, les psychiatres. Là, ceux-là, on se j'aime méfie. Beaucoup, aliéniste, j'aime on beaucoup. Se, ouais, on se méfie beaucoup d'eux. D'autant plus que vous savez, il y a le célèbre article 38 qui dit qu'il n'y a pas crime ni délit si la personne. Donc vous voyez, on se méfie d'eux. La reconnaissance progressive, si vous voulez, de ces experts du crime dans le processus judiciaire, il se fait lentement, mais lorsqu'on est, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, et a fortiori en 1926, au moment de l'affaire Guyot, c'est gagné. Hein. On ne peut plus rien faire sans les experts, on ne peut plus rien faire sans les spécialistes qui vont venir effectivement nous dire, là, comme chez Guyot, bah non, il y avait les deux mains. Ouais. Il y avait les deux mains. Où la balle est entrée par ce poumon-là, donc le tireur ne pouvait être que placé là. À partir de là, c'est gagné. Ça va de pair, effectivement, avec le démarrage de ce qu'on va appeler, pour aller vite, la police scientifique et technique. Et les avocats leur rôle par rapport à la presse, est-ce qu'il est déjà prégnant comme il l'est aujourd'hui? Après tout, les journalistes interviewent beaucoup plus volontiers les avocats que les magistrats, parce que les avocats ont une parole libre. Mmh. Est-ce qu'il y a déjà ce rapport-là? Alors, on n'est pas exactement dans la même configuration. Depuis le début du siècle, les avocats vont pouvoir assister aux interrogatoires dans le cabinet du juge d'instruction. Donc ils savent beaucoup de choses. C'était pas le cas auparavant. Donc ils sont capables de dire beaucoup de choses aux journalistes. Mmh. Mais vous voulez, aujourd'hui, un fait diversier contemporain, l'essentiel de son information, il l'attire des avocats. C'est pas tellement le cas à l'époque. On voit plutôt parce que le mouvement est en marche et puis on voit plutôt effectivement les reporters suivre les policiers. Il y a une espèce de rivalité mixte entre le fait diversier et l'inspecteur de police, titiller et harceler les juges d'instruction, les huissiers, les greffiers. L'avocat, ça commence à peine. Mmh. Mais là, le grand moment de l'époque, c'est la rivalité. Flics, reporters. Parce que quand on évoquait tout à l'heure les faits diversiers, ils ont quand même une grande ambition à cette époque, chose qui a un peu tombé aujourd'hui. Ils ont l'ambition de se dire, nous, comme d'ailleurs leur quotidien est médiocre, on peut peut-être trouver, il y a peut-être quelque chose qui va nous servir là-dedans. Et l'idée de construire leur carrière médiatique, sur le détail oublié, l'interrogatoire négligé. Ouais. Donc on voit de plus en plus, effectivement, les reporters mener ce qu'ils appellent des investigations parallèles. Alors ça, les flics ne peuvent pas supporter. Ah, mais en même temps, parfois, comme les reporters trouvent des bonnes pistes, vous voyez, il peut y avoir un échange de bons procédés. Et puisqu'on parlait des avocats, je termine juste là-dessus, est-ce que Maître Garçon, Maurice Garçon, est une star? Aujourd'hui, il y a des stars. Non, c'est une grande star. Même qui font du théâtre, en d'ailleurs. Bien sûr, non, c'est une grande figure des procès d'assises. C'est une des grandes figures, effectivement, de cet entre-deux-guerres. Les mémoires qui, il y a l'année dernière, ou il y a un peu plus, ont été publiées, les mémoires de garçons qui sont une mine, hein, non, c'est une grande figure du barreau, une grande figure de la justice française, bien sûr. Alors, on dit souvent que le fait divers dit beaucoup d'une époque, ce qui est vrai. Pas toujours d'ailleurs, il y a certains faits divers qui montrent simplement une jalousie, l'attirance pour l'argent. Bon, voilà, ça dit pas grand-chose à part sur la race humaine. Mais le fait divers dit beaucoup de choses, très souvent, sur son époque. Vous partagez cette observation? Oui, bien sûr. Il faut être juste prudent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des grands invariants anthropologiques, le crime, la justice, le passionnel, etc., que des faits divers réactives, mais en même temps, force est de reconnaître qu'un crime raconté dans un journal au XVIIIe siècle, en 1900 et de nos jours, c'est pas exactement la même chose. Et ce qu'il va mettre en jeu, les rapports sociaux qu'il met en jeu, les façons de faire, etc., sont effectivement très différentes et que donc il y a une historicité, évidemment, du fait divers. Il est aussi matériau sociologique et matériau pour l'histoire. Il y a une belle formule de Sartre juste avant la Seconde Guerre mondiale où il disait il faut s'emparer des faits divers, il faut pas laisser les faits divers à la presse de droite parce que ils nous disent quelque chose, effectivement. Et c'est aussi d'une certaine manière ce que le Libération des années 70 avait tenté de faire, en réinvestissant le fait divers différemment. Mais oui, fondamentalement, ce fait divers nous dit beaucoup de choses sur nous, notre société, nos obsessions, nos fantasmes et nos façons de résoudre ces désordres qui parcourent la cité. En même temps, le sociologue Pierre Bourdieu nous disait, si je me souviens de ses mots et de sa phrase, que le fait divers faisait diversion. Oui. C'est-à-dire qu'il pouvait détourner l'attention du citoyen des vrais sujets qui, selon Bourdieu, méritaient plus que tous les autres, c'est-à-dire l'économique, le social, le politique, ce qui fait un citoyen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet enfumage que serait le fait divers, finalement ? Ça peut, effectivement, il peut être instrumentalisé de cette manière-là. Vous savez, on dit souvent le fait, qui dit les faits divers, ce sont les classes populaires, les femmes, ça a un côté c'est, ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui est un peu un stéréotype, et que du coup effectivement, lire des faits divers, c'est s'intéresser à l'information facile pour effectivement laisser de côté, c'est ça sans doute que voulait dire Bourdieu, mais on peut ce propos tenu sur le fait divers, c'est le propos tenu sur toute la culture de masse, hein, la culture j'ai de masse, oui, comme sûr. Le fait divers étant en quelque sorte une des figures narratrices emblématiques de la culture de masse. Bien sûr, il peut y avoir cela, en même temps, vous remarquerez qu'il n'y a pas de faits divers dans les États totalitaires. Il n'y a pas de faits divers dans l'Allemagne nazie, il n'y a pas de faits divers de l'Union soviétique, il n'y a pas de faits divers dans l'Italie fasciste, etc. Donc, c'est aussi quand même qui peut aussi nous dire quelque chose d'autre sur la société. Je pense que les deux propositions ne sont pas complètement incompatibles. Le fait divers peut être instrumentalisé pour enfumer, comme vous dites, et puis, par ailleurs, il peut regarder combien certains faits divers, je pense à l'affaire de Brouwer en Artois, par exemple, ou à d'autres, ont pu faire surgir effectivement de la critique sociale. Regardez combien un certain nombre de, par exemple, tout le nouveau polar français qui s'adosse d'une certaine manière souvent à des faits divers pour faire sortir des questions sociales, des questions politiques, ça existe aussi. Bien. C'est Foucault, le philosophe Foucault, dans sa somme, un surveiller punir, qui disait aussi que le fait divers peut être dangereux dans sa manipulation parce qu'il participe au consensus de la répression. Effectivement, plus on parle de faits divers sanglants, plus la répression rendue par la justice devient légitime et plus on y adhère. Ouais. Alors, ça a été aussi l'objet de débats, en tout cas, parce que il y a bien sûr cette idée, et c'est évident, tout comme le roman policier, le fait divers, d'une certaine manière, nous raconte le triomphe de la justice. Ces hommes sont arrêtés, s'ils sont en fuite, ils sont l'objet de l'opprobre social total. La plupart du temps, tout ça se termine, comme dans l'affaire Guyot, en procès. Et puis, donc c'est un ordre bourgeois. Donc c'est un ordre social, disons. Oui, social. Il peut être bourgeois, en même temps, quand on lit ce qui est dit sur le fait divers, notamment par les moralistes, on s'aperçoit que c'est, tout le monde nous dit, mais c'est démoralisant. Vous savez, on utilise démoralisant au sens que le 19e siècle donnait à démoralisant, ôter la morale. Hein. Ah oui, d'accord. Si vous lisez ça, vous allez, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à ces criminels? C'est pas des héros, on ferait mieux de parler du bien. Et puis en plus, regardez, ces faits divers, ça héroïse le criminel, ça ridiculise un petit peu les policiers ou la justice. Bon, c'est pas le cas de Guyot, qui est pas très bon, hein. Non. Mais, qui est pas très bon à son procès. Mais vous savez, parfois, il y a des criminels qui savent le faire au procès, qui sont là, qui tiennent la dragée haute au magistrat, qu'il faut rigoler, etc. Donc, vous voyez, il y en a eu des comme ça. Donc, on dit, voilà, ça met la balle dans le mauvais camp. Mais bon, globalement, effectivement, le fait divers nous raconte une société réprimée, une société policée, une société où l'ordre est rétabli. Dites-moi, est-ce que on peut, alors j'espère que c'est pas un effet de loupe parce que nous sommes dans l'affaire sensible et que nous traitons des faits divers, c'est 10% de la programmation, pas plus, mais on les traite. Est-ce que c'est un effet de loupe? J'ai l'impression que le fait divers revient en force. Est-ce que c'est votre avis? Éclairez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Je me rends pas compte, j'ai un peu le sentiment que, en fait, les supports se sont différenciés. Ouais. La télévision est devenue l'affaire très célèbre, c'est ce qui s'est passé en 2002 pendant la campagne présidentielle, où on a accusé certaines chaînes de télé de sur-représenter du fait divers. L'affaire Monsieur Voise. Ouais. Je suis pas certain qu'il connaisse un démarrage foudroyant. Il se transforme et il se reconfigure. Merci beaucoup, Dominique Khalifa, pour vos éclairages sur le fait divers à travers l'histoire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'étrangleur Guyot, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.